Entendez-vous ? C'est le bruit de votre monde qui se désintègre. C'est le bruit de notre résurgence. Le jour, qui était le jour, était la nuit. Et la nuit sera le jour, qui sera le jour. Démocratie, liberté, justice. C'est sur ces quelques mots du sous-commandant Marcus à l'époque que je vais commencer la lecture d'un texte qui m'avait pas mal marqué. Qui est sorti le 19 mars 2015 sur le ZLN, donc à propos de l'hommage et du séminaire, événement auquel j'avais pu assister en étant en accompagnant la délégation de la ZAD au Mexique pour représenter la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voici donc ce texte à propos de l'hommage et du séminaire que l'on peut trouver à la fois sur les blogs de Espoir Chiapas, Le Serpent à Plumes, le CSPCL, sans doute La Voix du Jaguar aussi, et évidemment sur le site Enlace Zapatista. Je mettrai les coordonnées de tous ces liens sur la description de cet audio. À propos de l'hommage et du séminaire. Armée Zapatiste de Libération Nationale, Mexique, mars 2015. Au compas de la Sexta du Mexique et dans le monde. Compoas. Ils m'ont chargé de vous informer que, malgré l'augmentation significative de l'activité militaire dans les alentours des caracoles zapatistes, patrouilles agressives, contrôles intimidants, survols menaçants, particulièrement dans les caracoles de la Realidad et de Oventic. Dans le premier, on vient d'inaugurer une école clinique et dans le second, se réalisera l'hommage à Don Luis Villoro Toranzo. Malgré la belligérance croissante des groupes paramilitaires parrainés par le gouvernement chiapanec, malgré les vieux nouveaux mensonges dans les médias à gages, genre non, il n'y a eu aucune proposition de dialogue, non, depuis l'année 2001, c'est-à-dire depuis 14 ans, aucun fonctionnaire fédéral ne s'est approché de le ZLN, à moins que ce ne soit avec l'intention d'assassiner la direction zapatiste. Non, les gouvernements fédéraux et de l'État ne cherchent pas à améliorer les conditions de la vie indigène au Chiapas, mais ils essayent de diviser les communautés. Non, les uniques rapprochements gouvernementaux, de ceux que l'on peut compter, Jaime Martinez Velos, n'ont pas été aux côtés des zapatistes, mais par les paramilitaires parrainés avant lui par Luis H. Alvarez, Juan Sabines Guerrero et Felipe Calderón Hinojosa, et maintenant par Manuel Velasco Coelho, Rosario Robeler Berlanga et Enrique Peña Nieto. L'un de ces groupes, la CIOAC.H, est matériellement responsable de l'assassinat du compagnon maître Galeano, non, etc., etc., etc. Bien que manque toujours vérité et justice pour Ayotzinapa. Bien que là-bas, en dehors, il soit occupé, entre autres choses, plus importantes, vraiment, et que se succèdent vertigineusement les modes de mobilisation qui démontrent seulement que la frivolité est un grand stratège. Bien que la dignité découvre, une fois et une fois encore, la réalité, et dans les hauteurs du nord du Mexique, on découvre que subsistent des méthodes d'exploitation de l'époque porfiriste. Dans le nord, on travaille et entretenons les paresseux du sud, dit le puissant, alors que les champs sont cultivés par des hommes, femmes, enfants et anciens indigènes, triquis et mayas. Le puissant ne dit rien et se met à genoux devant le pouvoir étranger. Dans la vallée de San Quentin, Basse Californie, dans ce qu'on surnomme Oaxaca California, les journaliers demandent des salaires justes et des droits du travail. « Nous voulons seulement la justice, résume-t-il. Le gouvernement les réprime pour faits de révolte. 200 détenus. Le gouverneur paniste, parti du PAN, se réunit avec les chefs militaires du 67e bataillon d'infanterie de l'armée fédérale pour garantir la paix sociale. L'info principale dans les médias à gage est 007 sur le Socalo de la capitale. Le hashtag Sankantin en Luncha n'arrivera pas à être tendance du moment. Malgré tout, ou précisément pour tout, le ZLN entérine la célébration de l'hommage aux compagnons Luis Villoro Toranzo et au maître Zapatiste Galeano, la journée du 2 mai 2015 dans le Caracol d'Oventic, Chiapas, Mexico. Pour cet hommage, en plus de compañeras et compañeros des bases d'appui zapatistes, ont confirmé leur participation Juan Villoro Ruiz, Fernanda Navarro, Adolfo Gili, Pablo González Casanova, Don Mario González Contreras, père de César Manuel González Hernández, un des 46 disparus d'Ayotzinapa, et Doña Berta Nava, mère de Julio César Ramírez Neva, l'un des 46 disparus d'Ayotzinapa, ainsi que les familles du compañero Maître Galeano et les autorités autonomes zapatistes des cinq zones. Il confirmait aussi le coup d'envoi du séminaire de la pensée critique face à l'hydre capitaliste, organisé par le CDC Unitaria et la commission Sexta de la CETELEN du 3 au 9 mai 2015 dans les montagnes du sud-est mexicain. Ils me disent qu'ont confirmé leur participation au séminaire. Là, il y a une immense liste de noms que je vais me permettre de ne pas lire, ne m'en veuillez pas. Je vous renverrai donc aux liens qui seront sur le document sonore. Juste, je vais vous lire les pays en fait. Donc il y a des familles des 46 disparus d'Ayotzinapa. Il y a évidemment des gens qui viennent du Mexique, de Bolivie, de Colombie, de France. C'était Philippe Corcus pour la France. D'Argentine, de Colombie, du Pérou, des USA, France encore, Grande-Bretagne, Uruguay, Guatemala, France encore, Jérôme Bachet, Italie, enfin en fait voilà, il y avait l'Irlande, Brésil, Chili, il y avait vraiment des. Pour y avoir assisté à ce semillero, il y avait vraiment des pays du monde entier, il y avait des représentants aussi du Kurdistan, enfin c'était immense au niveau du monde. Voilà. Donc l'énumération se termine par « Depuis la conciergerie de la petite école en emplissant les caisses et les caisses qui disent « Recalé !» C'est une blague pour ceux qui ne pouvaient pas avoir de bulletin de participation et qui ne pouvaient pas rentrer du coup à ce semillero. Sub Galeano, Mexique, mars 2015. Et c'est surtout pour cette partie qui suit que je voulais vous lire ce texte. Section du cahier de notes du chachien. En option. Vous êtes en train de faire un cauchemar. Vous vous trouvez au milieu d'une communauté désolée. Pas comme si c'était après une guerre, mais avec son horreur qui continue. Sur le côté droit du chemin qui coupe en deux la communauté se trouve un complexe d'édifices modernes. À l'entrée, un panneau prévient ou avertit « Centre commercial vision de la réalité ». Deux imposantes et modernes constructions se distinguent. Sur l'une d'elles, sur le auvent, on lit « Cours de journalisme éthique et reportage objectif » donné par Ciro Gomez Lleva, Ricardo Aleman, Joaquín López Doriga, Javier Alatorre y Laura Bozzo. Sur le bâtiment d'à côté s'annonce « Cours de reportage éthique et de journaliste objectif » donné par Jacobo Zabludowski et quatre autres des derniers et uniques espaces libres et indépendants. Vous, clairement, vous êtes une personne sensée, clairement, tolérante, clairement. Inclusive, clairement. Civilisée, clairement. Raisonnable, clairement. Avec des arguments, clairement. Avec des études, clairement. Avec éducation, clairement. Dans les cauchemars aussi, on doit rester calme, manquerait plus que ça. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi il y a de longues queues pour rejoindre un côté comme l'autre. Vous vous félicitez qu'il y ait des options informatives pour tous les goûts quand ça se fait entendre. Dans le coin gauche, une fillette essayant de jouer à la flûte scolaire, non sans difficulté, les notes de « The Long and Winding Road » des Beatles. Vous, sans pouvoir dissimuler votre gêne face aux fausses notes de la fillette, vous vous rendez compte que de ce côté gauche et du long et tortueux chemin se trouve un groupe d'êtres incompréhensibles, clairement, construisant des baraques un peu mal foutues, clairement, et ces panneaux n'offrent ni cours ni promesses, clairement. Elles osent seulement balbutier « médias libres, autonomes, alternatifs ou comme ils se nomment ». Vous vous trouvez donc devant une alternative. Ou bien, généreux, clairement, vous élargissez un peu vos critères, votre tolérance, votre inclusivité, votre civilité, jusqu'à ce côté du chemin. Ou bien, vous remerciez qu'il y ait des choses qui ne se passent pas de mode, comme le bulldozer, la matraque, la police, et les équipements anti-émeute. Vous vous paralysez face au complexe dilemme. Alors que vous ne savez pas quoi faire, votre smartphone, grâce à votre application moderne qui donne un zap quand on configure le disque dur, le vôtre, clairement, s'active pour vous réveiller. Vous vous réveillez donc, mais tout reste pareil. Le lieu en guerre, les luxueuses constructions du côté droit, les misérables du côté gauche. Ah, mais au lieu de la flûte non accordée avec le « The Long Winding Road », vous écoutez un rythme déconcertant, un mélange de ballades, cumbia, corrido, ranchera, tropical, hip-hop, ska, heavy metal qui, avec une marimba, commence par « Ya se mira l'horizonte » qui est le début de l'hymne zapatiste. Dans cette terrible situation, vous savez que vous devez prendre une mesure drastique. Mais vous ne vous décidez pas. Devez-vous changer de téléphone ou actualiser le système d'exploitation? Cela, mon cher, c'est un dilemme, et il n'y a pas d'échappatoire. Voter ou non? Alors? À propos des médias à gages. Et il se contente que... Il raconte que ce furent donc ces hommes et ces femmes sages avec de grandes études et connaissances qui étaient sûrs de ce que disaient les indigènes ignorants, analphabètes et prémodernes. Dans le capitalisme, celui qui paye commande. Concernant les cinq espaces libres et indépendants et Molotov. Oh, il semblerait bien que quelqu'un s'est fait bobo Jacobo. En fait, il y a plein d'allusions à plein de choses qui sont très locales, très pointues, très malicieuses aussi, qui sont des petites piques à droite et à gauche, et surtout à droite, je pense, qu'il est difficile de saisir quand on n'a pas la culture locale. Mais je continue quand même la lecture. C'est tout à fait le ton du chat-chien, qui est un personnage vraiment très très très particulier, et assez délirant et en même temps tellement de l'ordre du présent. De la postmodernité maintenant. Attention plongeur, la piscine n'a pas d'eau, seulement de la merde. Soyez prudes, splash! Dialogue de rupture d'un couple postmoderne. C'est pas toi, c'est le contexte. Et à propos du séminaire, d'Italie nous vient ce qui suit. Un tel a dit qu'il assisterait au séminaire seulement s'il pouvait parler personnellement avec le sous-commandant insurgé Marcos. Quand le défunt a entendu ça, pensant que le message était de Monica Bellucci, il a commencé à s'étirer du fond de sa tombe. Ensuite, ils lui ont dit que c'était un message et que non, c'était le message. Enfin, ils lui ont dit que c'était pas en fait elle. Et désillusionné, pardon pour le bafouillement, c'est normal, c'est la fin. Il s'était fait à l'idée, mais désillusionné, voilà. Le sup Moïse a juste demandé de dire il sup Marco è morto. Se volete, potete cercare in inferno. Et il a envoyé un calendrier à l'expéditeur. Interrogé à ce propos, les Tercios Compass, société anonyme, sans C, ni V, ni 2, I, R, L, L. Donc, en fait, il faut comprendre, les Tercios Compass, c'est le nom que se donnent en fait les médias libres, autonomes, indépendants, alternatifs, et comme ils se nomment. Parce que comme c'était super long, il a bien fallu trouver une expression plus courte, et donc ce sont les Tercios Compass. Un peu le troisième homme, la notion de troisième homme, mais en compañeros et compañeras, il y avait vraiment beaucoup d'hommes et de femmes, enfin, c'est vraiment un milieu plutôt mixte. Voilà, donc là en plus, il y a plein d'allusions avec le truc de l'IRL et tout ça. Attention, ne pas faire usage de la marque sans autorisation de ceux qui n'ont ou qui ont ou qui n'ont pas les droits. Le Supmoy a déclaré, c'est qu'après, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'on est en 2015. L'organisation du séminaire est un bordel. Mais vous, faites comme si vous ne le saviez pas. Mettez-vous en harmonie avec l'univers et maintenant répétez après moi. Om... Le séminaire est déjà organisé. Om... Je le certifie. Miaou, waf, et vice versa. Voilà, ça c'était un texte. Un texte à plusieurs plumes, j'imagine, mais qui est typiquement les textes du sup Galeano, ex-mort, revenu de parmi les morts de Marcos Galeano. Et voilà, c'était un des textes qui annonçait donc le semireo. Il en parle de manière très très malicieuse, mais en fait il y a cette guéguerre là-bas aussi quand même, même s'il n'y a pas de critique, même si plein de choses, de plein de médias autonomes, indépendants, et qui bossent vachement bien avec les luttes et tout, qui arrivent à faire des trucs, mais rarement ensemble, mais qui font vraiment plein de choses très chouettes et que ça permet de suivre les luttes, et clairement... ils sont, par exemple, moi, un truc qui m'a marqué, c'est que bon, ils ont une présence hein, sur les réseaux sociaux, mais ils ont leur propre site, systématiquement en premier, des choses comme ça, quoi. Y a une vraie réflexion sur politique, sur le sens des outils utilisés, etc., etc. Bref, je n'en dirai pas plus, mais c'était un des nombreux textes qui m'a beaucoup marqué quand j'étais là-bas et que je me fais une joie de retrouver des compañeros et compañeras de México, Chiapas et de la Sexta ce week-end sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bonne fin de nuit qui va devenir jour à toutes et à tous. Ah, je termine juste par un tout petit truc que je ne vous ai pas dit. Nous avons, nous, ici, tendance à dire à toutes et à tous, ou à écrire à toutes. Hein. Particulièrement le sup Galeano, mais aussi les autres au Mexique, utilisent une déclinaison qui donne à peu près quelque chose comme otros, otras y otroas, c'est-à-dire les autres hommes, les autres femmes et les autres autre. Quand ils utilisent l'interjection, le mot autre, c'est qu'il y a encore d'autres voies possibles dans ces définitions-là. Et c'est à peu près pour l'instant la seule langue et le seul, enfin la seule langue, la seule construction de langue où j'ai vu de manière aussi simple et claire exprimer cette évidence que nous éludons beaucoup trop dans nos manières de parler. Ici et maintenant. Voilà, bien, c'est le moment de vous dire au revoir et puis à très bientôt.